déloge avec les mêmes totalement pétés. Ça se voit dans un coup comme si à la daronne ne pas s'inquiéter. La cité j'ai quitté, trop de problèmes dans la jeté. Sont 10 hommes de poucave, du coup les chemins font qu'enquêter. C'est triste à dire mais c'est la vie. Plus je m'approche du butin, plus je m'éloigne du paradis. C'est triste à dire mais c'est la vie. Plus je m'approche du butin, plus je m'éloigne du paradis. Mon quartier c'est la merde, tous les jours c'est la même. C'est vrai que j'ai vendu le pilon, mais j'ai jamais touché la mêle. Je voulais percer sur le terrain, mais j'ai fini sur le raté. J'ai vite baissé les bras quand j'ai vu la valeur des mapés. Enfant déçu, la maman a vraiment souffert. Cinq enfants à la baraque, elle a pas su comment s'y faire. J'avais 13 ans, je me prenais déjà pour le trompas. En cours, je tournais en rond sans connaître la valeur du compas. En gros, j'étais inconscient, un jeune enfant incompris. J'suis parti deux ans au bled pour mieux éviter la zombie. T'inquiète, maman, j't'en veux pas. Je sais pourquoi t'as fait ça. Y'a des choses que j'ai appris à force de rester avec papa. J'suis dans les favelas avec les mêmes totalement pétés. Ça se balade à 5 ou comme si à la daronne ne pas s'inquiéter. La cité j'ai quitté, trop de problèmes dans la jeté. Sont 10 hommes de poucave, du coup les chemins font qu'enquêter. C'est triste à dire mais c'est la vie. Plus je m'approche du butin, plus je m'éloigne du paradis. C'est triste à dire mais c'est la vie. Plus je m'approche du butin, plus je m'éloigne du paradis. J'ai été confiant, je prends mon bled, mais au final j'ai pas été de quiche. J'ai vécu ce que tu ne vivras jamais, comprenez la mort à plusieurs reprises. À 14 ans j'étais à Moroni. Je suis revenu à Panama, c'est ce moi je pense à tout ce qui s'est passé. La vie de ma mère que ça me donne le vertige. On a trop souffert, moi j'ai connu la misère. 20 euros dans les poches, ça passait pas Panama, rien à viser. Mais bon j'ai aucun regret, là-bas j'ai appris, j'ai pu et j'ai fait. Ma grand-mère elle est fière de moi, car son petit nage comme son père. Je suis dans les favelas, avec les mêmes totalement pétés. Ça se balade à 5 ou comme si à la daronne ne pas s'inquiéter. La cité j'ai quitté, trop de problèmes dans la jeté. Sont 10 hommes de poucave, du coup les chemins font qu'enquêter. C'est triste à dire mais c'est la vie. Plus je m'approche du butin, plus je m'éloigne du paradis.